Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Hip-hop philosophy. It's real hip-hop music from the soul. I love hip-hop. Pop. Une fois de plus j'y mets du cœur et c'est ma vie, parole d'un homme. J'ai pas choisi de la vivre, la compare pas celle d'un autre. Pourquoi suis-je né dans la douleur, les souffrances, les maladies? Pourquoi j'en vois toutes les couleurs, pourquoi poteau c'est maladif? Pourquoi ma mère se mettait la def, pourquoi dois-je payer la diff? Maman j'ai beau crier, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. Un moment j'ai beau prier, sans toi sais-tu comment le temps passe? La vie c'est dur et je me démène, depuis 10 piges je me démerde. T'as compris, je fais tout moi-même. Je viens avec autant de soucis que de frère qui s'appelle Mohamed. Ouais je connais les pompes funèbres, puisque tu connais ton pote. Je relate les moments funestes tout en faisant péter ton poste. Écoute, ma vie c'est que de la merde, genre tout droit d'un container. Et là je me contenir, comment calmer tes nerfs? J'suis trop ému, j'y mets du cœur. Frérot, j'ai même plus de voix. Laisse-moi dire au chétan, tu comprends pas, je veux plus te voir. Dis-moi qui mène la danse, j'en suivrai pas débat. La vie m'a dit chacun son heure, ouais, chacun son départ. Su combien manque à l'appel, tu crois connaître ma vie, frère? Attends, je me cale à peine. 24 sur 24, frère, pourquoi je fais que penser? Pourquoi je vois que de la merde et peu d'amour pour compenser? J'ai la phobie du facteur, peur du montant des factures. Loin de leur vie d'acteur, frère, j'ai mangé des fractures. Tout comme moi la vie te fuma, putain ça pue le teuteu. Les putes les matétés, laisse-moi liker ma tété. Y faire des chasses c'est minutieux, pas le temps pour vos minettes. Minuit à minuit seul, écoute les apparences te trompent comme être en sapataya. Serais pas ravitaillé, la vie c'est dur il faut tout ken. Si papa n'a pas le sourire j'irai ravitailler tout canne. Laisse-moi lui donner tout ce que j'ai, ma prête tout c'est tout ce que j'ai. Mon dieu rendez lui son dû, pourquoi le priver de son colon? Tu comprends pas les temps sont durs, faut pas me parler de colombe. Entre nous les tensions durent. Ces temps-ci je sais pas ce que j'aimais, j'avance à petits pas. Mon dieu champion mon cœur, pourquoi ceux que j'aime ils sont tibards? Tu crois connaître l'amour mais t'étonnes pas si tu t'y perds. Mon démon mène la danse et claque un passeur du T-Pain. C'est comme ça mais c'est bête, j'ai le cœur usé comme mes sabbats. Auquel okay, obstacle donne pas ton corps, t'es pas rusé, je te pèse même pas si je suis rabat. T'as pas de la weed, vas-y m'étouffe, façon cette chaîne de vie m'étouffe. Demande juste un peu du mou, plus rêveur que moi tu meurs. Ma vie manque un peu d'humour et dès le matin je suis pas d'humeur. Tu que je pleure comme un bâtard, je pensais la plus belle imbattable. J'ai vu noyer dans l'alcool, j'ai vu sa barque, ça virait. Je m'en bats les couilles du monde et même savoir si j'avirais. Rien à péter du bar, ça je te parle de celle qui m'a bercé. Rien spécial à part ça, j'ai changé, pas bercé. 24 balais au compteur, je vois que de la merde sur mon trottoir. Comme moi tu vis la même, va dire au bonheur, montre-toi.